franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles et dans le cadre de notre semaine américaine, retour sur l'un des événements politiques majeurs de l'histoire des États-Unis, l'élection de Barack Obama à la Maison-Blanche le 4 novembre 2008. Yes, we can. Oui, nous pouvons. C'est avec ce slogan teinté d'espoir qu'un jeune sénateur noir du Parti démocrate se lance en campagne pour devenir président de la première puissance mondiale. Nous sommes alors au début de l'année 2007, dans une Amérique fragilisée par la crise économique et par la guerre en Irak. Une Amérique qui a déjà façonné deux champions pour incarner le renouveau de sa politique. Chez les démocrates, il y a la favorite, une ancienne première dame sur laquelle son camp mise pour reprendre le contrôle à Washington. Chez les républicains, c'est un ténor du parti, ancien maire de New York, qui prétend succéder à George Bush. On pense donc que les dés sont jetés, que l'élection est déjà écrite et qu'elle se déroulera entre deux stars. Mais on ne devrait jamais penser comme ça en politique. Car au fil des mois, le talentueux et charismatique sénateur de l'Illinois, un certain Barack Obama, va inverser la donne et faire mentir tous les sondages. Grâce à son discours basé sur l'espoir et le changement, il rassemble l'Amérique autour de lui et devient un phénomène de société. L'Obamania est née et avec elle, la campagne américaine prend une tout autre dimension. Un peu partout dans le monde, on se prend à rêver et à y croire. Et si Obama devenait le premier homme noir à la Maison-Blanche ? Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Luc Hess, l'ancien président de Radio France et ancien correspondant de France Inter aux États-Unis. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique » paru aux éditions Baker Street le 15 septembre dernier. Il a également signé un livre sur Barack Obama sous un titre qui ne manque pas d'humour, « What Else ?» avec Charlie Hebdo, aux éditions Les Échappées. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Lucille Vallée. Coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle, voix de Barack Obama Aurélien Labruyère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter. Samedi 10 février 2007, Springfield, état de l'Illinois. Nous sommes ici au centre des États-Unis, à 250 km au sud-ouest de Chicago. En cette matinée d'hiver, la neige recouvre les rues et les immeubles de l'agglomération. Le thermomètre descend sous la barre des moins 20 degrés. Malgré ces conditions météo extrêmes, une foule de plusieurs milliers de personnes se rassemble devant les marches du vieux Capitole. Certains brandissent des pancartes blanches et bleues, d'autres ont pris la route au petit matin venus des quatre coins de l'État, et puis d'autres encore sont arrivés la veille du Wisconsin, du Missouri ou encore de l'Iowa. Tous sont ici à l'invitation de l'équipe des sénateurs de l'État qui doit annoncer son entrée en campagne pour la prochaine présidentielle. Prévenues, elles aussi, les grandes chaînes de télé américaines ont fait le déplacement. Pour les journalistes, la candidature d'un sénateur considéré par beaucoup à Washington comme un personnage de second rang intrigue. D'autant plus que cet homme possède une caractéristique de taille dans le paysage politique du pays, il est noir. Aux États-Unis, pays profondément marqué par son passé ségrégationniste, par les tensions et par le clivage politique autour des questions de la couleur de peau, cette candidature réveille le spectre d'une histoire qui ne passe pas. D'où le message porté par cette candidature, l'Amérique est-elle prête à confier la Maison-Blanche à un noir? Parmi ceux qui n'en doutent pas, il y a en tête le futur candidat lui-même, ce sénateur de l'État de l'Illinois, un certain Barack Obama. Il est 11h, c'est samedi 10 février 2007 lorsqu'il arrive à la tribune. La foule l'applaudit. Comme à son habitude, il affiche un mélange de décontraction et d'élégance. Habillé d'un grand manteau foncé et portant des gants noirs, il s'approche du pupitre, remercie son auditoire de la main, puis, une fois le calme revenu, il commence son discours sous l'œil des caméras de télé. C'est ici à Springfield que le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest se sont joints ensemble. Et c'est précisément là que je me suis souvenu de l'idéal qui est celui du peuple américain. J'en suis venu à croire qu'à travers cet idéal, nous pouvons construire une Amérique meilleure. C'est pourquoi, Ici, dans l'ombre du Capitole, à l'endroit où un jour Abraham Lincoln a appelé à se rassembler autour de lui pour le faire élire, ici où l'espoir et les rêves sont encore vivants, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous annoncer ma candidature pour la présidence des États-Unis d'Amérique. L'Amérique aime la politique quand elle se met en scène et qu'elle devient un spectacle. Comme tant d'autres avant lui, le jeune sénateur Obama l'a bien compris. Et il mise sur la symbolique de ce rendez-vous pour ancrer son discours dans les esprits, et notamment sa référence à Abraham Lincoln. En citant et en se plaçant dans les pas de l'un des anciens présidents les plus marquants de l'histoire du pays, celui-là même qui a aboli l'esclavage, Barack Obama s'appuie sur un modèle indéboulonnable de l'idéologie américaine. Puis il explique que sa motivation et sa démarche se basent sur le constat d'échec de la politique actuelle, sur la crise économique que traverse le pays et sur le mal identitaire qui handicape l'Amérique de Bush. Lui, Obama, propose le rassemblement de toutes les forces des États-Unis dans un seul but, le changement. Afin, dit-il, de créer une société dans laquelle tous les espoirs seraient possibles. En d'autres mots, Obama souhaite redonner vie au mythe fondateur du pays, le rêve américain. Il y a aussi un côté chez lui, le changement, c'est maintenant. À la télévision, les commentateurs sont enthousiastes et avouent être ébahis par la prestation du jeune sénateur. Très vite, on compare son phrasé à celui d'un Martin Luther King. On rapproche son sourire angélique de celui de Mohamed Ali. Quant à sa force de conviction et à ses arguments, on y voit ceux d'un Malcolm X. Et que dire de son physique, plus qu'avenant. Depuis Kennedy, on n'a pas vu mieux. Et ça peut compter, bien sûr, même si ce n'est pas l'essentiel. En d'autres termes, cet homme-là a beaucoup d'atouts. Quelques heures à peine après son discours, en cette journée du samedi 10 février 2007, le jeune sénateur de l'Illinois disparaît pourtant assez vite des écrans radars. En lieu et place, l'Amérique retrouve le visage de celle qui, dans le camp démocrate, monopolise la lumière depuis plusieurs mois pour la course à la Maison-Blanche, Hillary Clinton. Moi, Hillary Clinton, je suis candidate pour être présidente. Si le Congrès ne met pas un terme à la guerre, en tant que présidente, je le ferai. Le ton est ferme, la stature assurée. Hillary Clinton veut paraître présidentiable et promet déjà de grandes réformes. Archi-favorite dans les sondages, soutenue par la plupart des cadres du Parti démocrate, également à la tête d'une équipe de consultants, mais aussi d'un formidable trésor de guerre, l'ancienne première dame, épouse de Bill Clinton, apparaît déjà pour tous les analystes comme celle qui affrontera, à l'issue des primaires de son parti, le candidat républicain en novembre 2008. La sénatrice de l'État de New York, sûre de son fait, et elle ne s'en cache pas, ne se bat pas pour les primaires de son parti, qu'elle est persuadée de remporter haut la main, non. Directement pour la victoire finale, celle de la présidentielle dans un an et demi. Elle sera donc la première femme à la Maison-Blanche, Madame Rêve. Alors, Madame fait déjà campagne pour le second tour, avant même d'avoir remporté le premier. Et chacun sait, sauf elle apparemment, qu'en politique, c'est un pari risqué, pas loin de la faute professionnelle. À chaque sortie médiatique, Hillary se présente comme le choix de l'alternance et cogne sur le bilan de George Bush. Convaincue que les votes dans son camp lui sont déjà acquis, elle oriente sa politique au centre. Elle délaisse la gauche américaine pour tenter de récupérer le maximum de voix chez les républicains déçus ou indécis, ce qui, pense-t-elle, peuvent faire basculer la prochaine élection. Figure emblématique de la vie politique à Washington, elle met en avant sa stature et sa reconnaissance sur la scène internationale. Elle connaît personnellement certains chefs d'État et premiers ministres européens, puis elle a accès au carnet d'adresses de son mari, président des États-Unis pendant deux mandats, de 1993 à 2001. Alors, franchement, qui pourrait lui barrer la route ? Obama ? Enfin voyons, soyons sérieux. Car Madame Clinton, du haut de ses certitudes, porte sur la candidature de Barack Obama un regard, disons, condescendant. Comment témoigne cette remarque rapportée par des journalistes lors d'un dîner qu'elle partage avec eux ? Vous savez, Barack et moi, nous nous connaissons bien, c'est un homme qui regorge d'idées. Il sera un jour, j'en suis convaincu, l'un des symboles de notre parti. Mais, ajoute Hillary Clinton, à 45 ans, avec seulement 2 ans d'expérience politique nationale derrière lui, on ne gouverne pas un pays. Pour l'ex-première dame, la candidature de Barack Obama, c'est pour la forme, pour la galerie. D'ailleurs, parmi les électeurs du camp démocrate, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le parcours et l'ambition du jeune sénateur de l'Illinois. Se lance-t-il dans un galop d'essai avec pour véritable objectif l'élection de 2012, lui qui, il y a 4 ans encore, était un parfait inconnu dans le paysage médiatique, lui à qui on ne demandait jusqu'alors que de jouer les chauffeurs de salle dans les conventions du Parti démocrate? Au moment où nous parlons, d'autres se préparent à débattre. Ceux qui changent tout le temps d'avis, ceux qui ne parlent que de mauvaises nouvelles et qui n'apprécient la politique que pour ça. Eh bien, je leur dis ce soir, il n'existe pas une Amérique libérale et une autre conservatrice. Il y a juste les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, une Amérique des Latinos, une Amérique des Asiatiques. Il y a juste les États-Unis d'Amérique. Pour finir, voilà la question derrière cette élection. Voulez-vous prendre part à la politique du cynisme ou voulez-vous prendre part à une politique de l'espoir? Déjà en juillet 2004, à la Convention nationale des démocrates de Boston, réunion de soutien à la candidature de John Kerry pour la présidentielle, l'Amérique découvre le visage et la voix de Barack Obama. Fine bouche, les démocrates se disent que la couleur de sa peau peut permettre à leur parti de s'octroyer le vote de la communauté noire. Alors on invite cet homme devenu alibi à s'exprimer à la tribune. Ah oui, il le sait, il est intelligent. Le challenge pour lui, c'est donc de montrer qu'il a surtout du talent, des idées et une vision du monde, tout en profitant de sa condition d'homme noir. Et c'est un coup de maître, car ce soir-là, il fait sensation en prononçant un discours intitulé « L'audace de l'espoir ». Tout au long de sa prise de parole, il fascine l'Assemblée en racontant avec un certain humour sa propre histoire à travers le prisme de l'idéal américain. L'histoire d'un métis de la classe moyenne né en 1961, fils d'un universitaire kényan, noir, et d'une femme du Kansas, blanche. La vie d'un adolescent qui a vécu entre Hawaï, l'Indonésie et Los Angeles. Dans un parfait storytelling, il déroule le parcours d'un étudiant qui a intégré Harvard et s'est engagé comme travailleur associatif dans les quartiers pauvres du sud de Chicago, jusqu'à embrasser la carrière politique. Et il conclut avec ces mots: il n'y a qu'ici, aux États-Unis, qu'il a pu, lui, Barack Obama, vivre un pareil destin. En d'autres termes, Obama se définit comme la preuve vivante que le rêve américain n'est pas une vue de l'esprit. Galvanisé par ses paroles, le public se lève, l'applaudit et scande son nom, Obama, Obama, comme une incantation. Assis au premier rang, le candidat Kerry n'en revient pas, Barack Obama lui a volé la vedette. L'année suivante, en 2005, Obama est élu sénateur de l'État de l'Illinois. C'est son premier grand pas en politique. Mais très vite, les luttes d'égo et de pouvoir à Washington l'agacent autant qu'elle l'épuise. Après une longue réflexion, il décide donc de se lancer dans un nouveau projet qu'il intitule « Changeons l'Amérique » et qui passe par une ambition, une seule, être candidat à la présidence des États-Unis. En février 2007, devant la capitale de Springfield, il se déclare donc en campagne. Une question se pose alors pour lui, comme pour toute son équipe, comment battre Hillary Clinton? Comment remettre en cause le clintonisme, qui semble être l'idéologie dominante du Parti démocrate? Bref, comment faire la différence et l'emporter lors des primaires? Au début de l'année 2007, l'équipe Obama sait qu'elle ne peut pas affronter celle d'Hillary Clinton politiquement mieux structurée. L'idée est donc de prendre la tangente avec un outil jusque-là mal utilisé par les responsables politiques, Internet. Témoin de cette stratégie inédite, le journaliste Guillaume Debray, correspondant sur place aux États-Unis, explique. Au lieu de concevoir le web comme un instrument marketing classique, destiné à relayer le message du candidat, l'équipe Obama décide d'en faire sa source d'inspiration, pour remodeler l'organisation militante. En d'autres mots, ils vont transformer le site internet du candidat en une sorte de QG virtuel, ouvert 24 heures sur 24. Un lieu où les militants viennent se retrouver pour échanger et organiser leur propre campagne locale. S'inspirant de la culture associative que Barack Obama a lui-même apprise dans les rues de Chicago, il renverse la structure hiérarchique habituelle et donne les clés de la campagne directement entre les mains des militants. C'est là une véritable révolution. Désormais, les militants peuvent eux-mêmes organiser leurs propres réunions, leurs propres levées de fonds, leur propre système de démarchage. Le succès est instantané. Plus de 750 000 personnes s'engagent politiquement sur le site mybarackobama.com, devenant ainsi des relais pour le candidat partout sur le terrain. En l'espace de quelques mois, le modèle traditionnel de communication politique, celui qui passe obligatoirement par la télé et qui était en vigueur depuis l'élection de John Kennedy, explose. À sa place, l'équipe Obama prend la tête d'une cybercampagne présente sur le web et sur Facebook. À la fois réactive et dynamique, elle donne à ses militants un sentiment de proximité, là où justement Hillary Clinton pâtit d'une certaine distance. Résultat, à la fin de l'année 2007, alors qu'il est toujours donné largement perdant dans les sondages pour la primaire, le sénateur de l'Illinois arrive à mobiliser des foules de plus en plus fortes, 100 000 personnes un peu partout sur le territoire des États-Unis. C'est par endroits trois fois plus que sa rivale Hillary Clinton. Second terrain sur lequel Barack Obama marque des points et crée une profonde différence avec sa concurrente, le discours, autrement dit l'essentiel en politique, ne l'oublions pas. Pendant qu'Hillary s'épuise, semaine après semaine, à taper sans relâche sur George Bush et à stigmatiser au passage tous ceux qui ont soutenu sa politique, lui, Barack, s'éloigne des discours politiques partisans et prône un seul thème, celui du changement. Son premier slogan, « We can change », « Nous pouvons changer », peut paraître simpliste. Pourtant, dans le contexte de 2007, il marque les esprits de millions d'Américains. Car à cette époque, l'Amérique vit une perte de repères, traumatisée par la guerre en Irak, malmenée par la crise économique, blessée en son sein par l'ouragan Katrina. Dans ce contexte, le discours d'Obama est synonyme d'espoir. Et à travers tout le pays, au sein de l'électorat noir, hispanique ou asiatique, tout autant que dans l'électorat blanc, c'est important, il fédère, il rassemble, quand les autres candidats, eux, divisent. Ce qui traduit un phénomène classique mais toujours étonnant partout dans le monde démocratique, il arrive un moment dans la campagne où les efforts d'un candidat se mettent à payer et l'attention positive se cristallise sur lui. C'est ce qui arrive à Barack Obama, oui, c'est à ce moment précis que se dessine le décalage qui va faire basculer la campagne entre les deux candidats du Parti démocrate. Or, personne du côté du camp Clinton ne prend la mesure de la portée du discours d'Obama. Non. Chez les Clinton, on applique les bonnes vieilles méthodes qui ont permis à Bill de l'emporter par deux fois dans les années 90. On reste persuadé que la politique est une science exacte et que les sondages qui donnent Hillary vainqueur prédisent l'avenir au plus juste. Oui, là se situe l'erreur du camp Clinton, car au même moment, Barack Obama sillonne les États-Unis tel une rockstar en tournée, comme ici lors d'une escale à New York. L'Apollo Theater, c'est à la fois un mythe et un symbole. C'est la première salle de spectacle de Harlem, le temple de la musique noire. La salle est entièrement remplie. Ce qui frappe, c'est qu'elle est blanche pour moitié. Mais ceux qu'il faut convaincre ce soir et à qui le chauffeur de salle s'adresse, ce sont les Noirs. Sarah Vaughan et James Brown. Sarah Vaughan, James Brown, la Motown, Stevie Wonder, Earl Green. Et quand vous parlez de ces gens, mes amis, ce ne sont pas juste des chanteurs. Ils représentent un mode de vie. Ils font partie de ce combat qui va du gospel dans les plantations jusqu'à Barack Obama, candidat à la présidence. Eh, hey, ayez le sens de l'histoire. Let's have a sense of history here, y'all. Mr. Barack Obama. As president of the United States, I will end this war. Obama, lui, comme toujours, ne fait aucun appel du pied à sa communauté dans son discours. Il promet encore une fois la fin de la guerre et la fermeture de Guantanamo. Obama le sait. Ici, on aime les Clinton et Kennedy, Benjamin, le sait. You have to remember you're in New York. Vous devez vous souvenir que vous êtes à New York. C'est le territoire d'Hillary. On aime beaucoup Hillary. Et naturellement, ce sera difficile pour beaucoup de soutenir Obama. Et on adorait Bill. Mais on doit tous comprendre qu'Hillary n'est pas Bill. Autre atout dont dispose Barack Obama pour séduire l'électorat, son épouse, Michelle. Un peu comme le fut Hillary pour Bill Clinton, l'histoire est parfois facétieuse. Sorte de colistière à temps plein, Michelle Obama traverse le pays et participe sur scène à des meetings et prononce des discours quelquefois aussi forts que ceux de son mari. Imagine-t-on en France Madame Juppé ou Carla Bruni s'exprimer à la tribune dans le cadre de la campagne pour les primaires à droite? Et elle parle haut, Michelle, elle parle juste. Et elle affirme que son mari perpétue l'esprit de la marche pour l'égalité qu'a lancé un jour de mars 1965 à Selma, un pasteur du nom de Martin Luther King. La comparaison est forte, mais elle en dit long sur l'ambition que le jeune sénateur de l'Illinois nourrit pour son pays. À cela s'ajoute un renfort de poids, celui de l'impératrice des shows télévisés américains, Oprah Winfrey. À la tête du programme le plus regardé aux États-Unis, elle offre au couple Obama un puissant canal de diffusion hertzien pour faire passer leur message. Grâce à cette présentatrice, le candidat Obama touche plusieurs millions de personnes parmi l'électorat populaire. Mais la question demeure, est-ce suffisant pour battre Hillary ? À la fin de l'année 2007, à quelques semaines des primaires, on fait les comptes chez les démocrates. Après une première année de débats et de meetings à travers le pays, les sondages donnent toujours le camp Clinton vainqueur avec une très large avance. Alors, Barack Obama a-t-il encore une chance? Peut-il vraiment prétendre l'emporter chez les démocrates? Et si oui, sera-t-il de taille pour vaincre le candidat républicain sortant d'Az Obamacan? It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was thought by immigrants as they struck out to the distant shore of pioneers who pushed westward. Against unforgiving wilderness. Oh, yes, we can. It was the call of workers organized. Women reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountaintop. And pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and yes, equality. We can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. To opportunity and prosperity. Yes, we can. To opportunity and prosperity. Yes, we can. Heal this nation. Heal this nation. Yes, we can. Repair this world. Repair this world. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand the way of the power of millions of voices calling for change. We want change. We want change. We want change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. It will only grow louder and more dissonant. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there's never been anything false. La nuit dernière, Barack Obama avait glissé une pub entre un message vantant les voitures de demain et une autre les boissons gazeuses d'aujourd'hui. Il est vrai qu'avec une primaire à l'échelle nationale, ils ne peuvent pas être partout. Il est vrai aussi que cette campagne passionne. À chaque primaire, il y a deux fois plus d'électeurs qu'en 2004 et chaque débat télé bat des records. 9 millions de téléspectateurs pour une chaîne Tout Info sur le câble la semaine dernière, du jamais vu. Les républicains sont plus économes ou leurs caisses moins remplies. Moins de 4 millions de dollars investis en pub télé par les trois derniers candidats. Tous, en revanche, ont mobilisé leurs stars pour faire campagne à leur place. Schwarzenegger et sa femme, une Kennedy pour McCain, Chuck Norris pour Huckabee, Caroline et Ted Kennedy pour Obama, le fils de Bob Kennedy pour Clinton. Avec de tels plateaux, les chaînes télé, contraintes aux rediffusions par la grève des scénaristes, ont fait de la campagne leur feuilleton préféré. Washington, Bertrand Vanier, France Inter. Des Moines, État de l'Iowa, jeudi 3 janvier 2008. Voilà plusieurs semaines que la campagne pour les primaires bat son plein dans le camp démocrate, à coups de grands slogans et de publicités télévisées, à renfort de messages à la radio et d'affiches géantes sur le bord des routes. En face, chez les Républicains, la bataille est serrée entre les ténors du parti. Rudolph Giuliani et ses rivaux Mitt Romney, John McCain ou encore Mike Huckabee. Les sondages donnaient jusque-là l'ancien maire de New York vainqueur par chaos. Mais depuis quelques semaines, le doute semble s'installer. Chez les démocrates, il y a 3 candidats sérieux. Hillary Clinton, Barack Obama et John Edwards, l'ancien colistier de John Kerry. Les 5 autres candidats, dont un certain Joe Biden, jouent les utilités, ce qui pour l'avenir, on le verra, peut être utile, précisément. La tradition veut que ce soit ici, dans l'Iowa, petit état du centre des États-Unis à très forte majorité blanche, que se déroule la première bataille électorale entre les candidats de chaque parti. Là, il s'agit d'un caucus. À la différence d'une primaire, l'élection est organisée et gérée par le parti lui-même et non par l'État qui l'accueille. Pour l'équipe Obama, la victoire est impérative pour prendre d'entrée de jeu l'ascendant psychologique et ne pas laisser l'équipe rivale, celle d'Hillary Clinton, démarrer plus vite et faire la course en tête. Pour l'emporter, Obama mise depuis de longs mois sur la jeunesse et les étudiants qu'il est d'ailleurs venu rencontrer à plusieurs reprises. Mais est-ce suffisant ? Eh bien la réponse est oui, car les sondages lui sont pour la première fois favorables. Quant aux résultats du vote, ils sont sans nuance. Barack Obama remporte l'État avec 38% des suffrages. Pour Hillary Clinton, c'est la douche froide. La voilà même reléguée au 3e rang, 10 points derrière Obama. Un revers que l'ancien président du Parti démocrate à Paris, Gypsy Ward, décrypte sur France Inter. En fait, c'était une surprise, ça je suis d'accord. On croyait que les résultats seraient beaucoup plus serrés. Peut-être que Madame Clinton et Monsieur le sénateur Obama seraient à égalité. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais pour moi, c'est pas un gros revers. Ça change très peu la campagne. Je pense que c'est Madame Clinton qui va l'emporter. Il faut se rappeler que Monsieur Clinton, notre dernier président, n'a eu que 3% des voix à l'occasion des primaires en Iowa quand elle a été élue la première fois. Obama l'outsider, peut-il renverser la favorite ? Les journaux s'interrogent et se passionnent pour ce combat. D'autant que 5 jours plus tard, Hillary Clinton remporte la primaire de New Hampshire, rendant ainsi coup pour coup à son adversaire. Match nul. Certains analystes pensent alors que l'effet Obama va se dégonfler et que Madame va l'écraser. Conscient du préjudice, Barack Obama prononce ce soir-là un discours dans lequel il utilise pour la première fois un slogan qui deviendra par la suite celui de toute sa campagne, le fameux « Yes, we can ». Autrement dit, oui, nous pouvons gagner, ne baissons pas les bras. De fait, une semaine plus tard, il reprend l'avantage et s'impose au Nevada et en Caroline du Sud. Loin d'abdiquer, la sénatrice de New York lui répond en gagnant celle du Michigan et celle de Floride et elle reprend la tête. À la veille du Super Tuesday, ce 5 février 2008, jour de vote simultané dans 23 États, la différence entre les deux candidats démocrates est infime, tout peut encore basculer, c'est du jamais vu dans l'histoire de la politique américaine. Mais ce qui retient l'attention de nombreux commentateurs, c'est l'agressivité déployée par le couple Clinton pour ternir l'image d'Obama. À la tribune, l'ex-première dame s'oppose frontalement à son jeune opposant et critique son peu d'expérience politique. Dans les médias, Bill, l'ancien président, multiplie les attaques contre le sénateur et l'accuse même d'oublier l'électorat blanc. Pour autant, ce Super Tuesday, considéré comme l'échéance principale de toute la campagne, se termine par un match nul. Le score reste toujours à l'avantage d'Hillary Clinton, mais les deux candidats sont dans un mouchoir de poche. Au printemps, les primaires se poursuivent et aucun des deux candidats n'arrive à prendre le large. Un peu partout, aux États-Unis et à travers le monde, on assiste à la naissance d'un nouveau phénomène, l'Obamania. Journaux et médias internationaux reprennent en cœur la profession de foi du jeune sénateur, le fameux Yes We Can. Son portrait s'affiche en une des magazines People. Certains lui trouvent une ressemblance avec Bob Kennedy, d'autres avec son frère John. Mais tous s'accordent pour dire que son sourire, son optimisme et son histoire personnelle rassurent et apaisent l'Amérique. Au début du mois de juin, après 6 mois de primaire, les résultats tant attendus par des millions d'électeurs démocrates tombent enfin. Hillary Clinton recueille 200 000 voix de plus que Barack Obama. Mais, et c'est là la spécificité du système américain, la victoire revient pourtant à Barack Obama grâce à son nombre de délégués et super-délégués qui se sont prononcés pour lui. À Washington, Fabienne Synthèse fait le point pour France Inter. Senator Hillary Rodham Clinton. Dès son arrivée sur scène, le symbole est là. Pendant 16 mois, Hillary Clinton a été présentée comme la prochaine présidente des États-Unis. Voici la sénatrice Hillary Clinton, dit le speaker. Le pupitre est nu, plus de pancarte, Hillary présidente. Après 10 minutes de remerciements, Clinton prononce la phrase qu'il faut. Le moyen de continuer notre combat maintenant, c'est de prendre notre énergie, notre force, et de faire tout notre possible pour aider à faire élire Barack Obama le prochain président des États-Unis. Tendez bien l'oreille, quelques sifflets fusent. 10 fois dans son discours, Clinton dit « Il faut soutenir Barack Obama, faites comme moi ». C'est d'accord, dit Patricia. Laissez-moi juste un peu de temps. Je vais le faire. Mais je suis contente qu'on ait un petit peu de temps. J'ai besoin d'y travailler. J'aurais préféré le voir, lui, la soutenir. Ça nous assurait stratégiquement 16 ans au pouvoir. J'ai besoin de temps pour guérir. Clinton a fait ce qu'elle avait à faire. On verra en novembre combien de ses sympathisants ont pu se résoudre à la suivre. Le 27 août 2008, Barack Obama est officiellement investi candidat pour la présidentielle lors de la convention nationale du Parti démocrate à Denver. Alors que de nombreuses rumeurs pressentent Hillary Clinton comme sa colistière, Obama prend tout le monde à contre-pied et choisit le sénateur du Delaware, un certain Joe Biden, de presque 20 ans son aîné, pour constituer avec lui ce qu'on appelle aux États-Unis un ticket. Avec Biden à ses côtés, Barack Obama pense donner le change face aux attaques sur sa jeunesse, sur son manque d'expérience présumé. Au même moment, dans l'autre camp, chez les Républicains, c'est un autre monument de la politique américaine, le sénateur John McCain, qui réalise un comeback incroyable et devient, contre toute attente, le candidat du Parti conservateur. Voilà, on a l'affiche. Obama, McCain. Deux visages, deux âges et deux visions politiques. Qui va l'emporter ? Un mois plus tard, le 28 septembre 2008, ce sont près de 130 millions d'Américains qui assistent au premier débat télévisé entre les deux candidats. D'un côté, le jeune et sémillant Barack Obama, candidat qui prétend incarner le changement et le renouveau de l'Amérique. De l'autre, l'ancien prisonnier de guerre du Vietnam, figure de la vie politique depuis plusieurs décennies à Washington, John McCain, l'homme qui entend redonner à l'Amérique sa gloire passée tout en continuant le combat jusqu'à la victoire, dit-il, en Irak. Dans l'ensemble, McCain est un type présentable, un adversaire respectueux, loyal dans le combat. Entre-temps, Barack Obama a entamé un tour du monde politique. En Europe, mais aussi en Irak, en Afghanistan, en Israël, il s'est construit une solide assise internationale et a changé de dimension. Il est aujourd'hui présidentiable au même titre que McCain et plus encore. Si l'on en croit les sondages, les intentions de vote en sa faveur sont supérieures à celles de son rival républicain. Alors pour McCain, la seule réaction possible, c'est l'attaque. Donc, arrow sur le programme du candidat à travers une série de spots télévisés et radio dans lesquels le candidat républicain accuse son adversaire de promouvoir des valeurs dangereuses pour l'équilibre du pays. Il l'accuse également de jeter le discrédit sur l'armée, ses GIs, en les faisant quitter l'Irak. Si pendant plusieurs semaines, cette stratégie semble payer, elle se révèle désastreuse à moyen terme pour John McCain. Tout comme l'attitude de sa colistière Sarah Palin, une ex-Miss Alaska qui enchaîne bourde sur bourde. Autre élément qui porte un coup terrible au candidat républicain, quelques jours après la faillite de la banque Lehman Brothers et de l'assureur AIG au milieu du mois de septembre, il affirme que la santé financière du pays reste bonne malgré tout. La presse reprend ses propos et se montre très critique. Obama exploite l'opportunité et marque des points précieux en ternissant l'image de McCain, incapable, selon lui, de prendre la mesure du préjudice de cette crise pour les travailleurs, les épargnants, les familles américaines. Dernier élément qui va permettre à Obama de bouleverser sa campagne et de prendre enfin l'avantage, à l'inverse des habitudes de son camp. Il donne le pouvoir à tous les militants, il les mobilise dans tous les États et même se donne gagnant par les républicains. Une offensive inédite qui pousse McCain à dilapider ses derniers fonds de campagne dans des spots de publicité, pendant que lui, Obama, conserve son argent pour l'organisation de grands meetings, où il rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes et soulève partout un élan populaire. Obama-McCain. Lequel de ces deux hommes deviendra le 44e président des États-Unis d'Amérique? La réponse arrivera 4 semaines plus tard, dans la nuit noire de l'automne nord-américain. Mardi 4 novembre 2008, Chicago, Illinois. Il est un peu plus de 23 heures. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Grand Park, malgré un vent glacial venu du Canada. Quelques minutes plus tôt, les premiers résultats provisoires de l'élection américaine sont tombés et suscitent l'enthousiasme de la foule. Avec 52,9% des suffrages et avec 365 grands électeurs contre 173, avec 10 millions de voix d'avance, le candidat du Parti démocrate l'emporte et devient le premier homme noir à s'installer à la Maison Blanche. S'écrit alors en direct sous l'œil des caméras de télé du monde entier l'une des plus grandes pages de l'histoire de l'Amérique. Si jamais il y a quelqu'un ici qui doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, à celui qui se demande si les rêves de nos pères fondateurs sont encore d'actualité, à celui qui s'interroge sur le pouvoir de notre démocratie, ce soir, il a sa réponse. La route devant nous s'annonce longue. Notre chemin sera difficile. Nous n'atteindrons peut-être pas notre but en un an ou même en un mandat. Mais l'Amérique n'a jamais eu autant d'espoir qu'il y en a ce soir. Et elle y arrivera. Je vous le promets, notre peuple y arrivera. C'est notre moment. Le temps est venu de remettre les personnes au travail et d'ouvrir les portes de l'opportunité pour nos enfants, de rétablir la prospérité et d'encourager la paix, de se réapproprier le rêve américain et de réaffirmer la vérité fondamentale. Nous ne sommes qu'un tandis que nous respirons, nous espérons. Et quand nous ferons face au cynisme, au doute et à ceux qui nous disent que nous ne pouvons pas, nous répondrons avec ce credo intemporel qui résume l'esprit du peuple. Oui, nous le pouvons. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Dollar really costs. The question is detrimental. Paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo. 20 on pump 6, Tony Marcellus called me Dumbo. 20 years ago, can't forget. Now I can lend them my ear or two. How to stack these residuals tenfold. The liberal concept that men do. 20 on 6, it didn't hear me. Indigenous African only spoke Zulu. My American tongue was leery. Walked out the gas station, a homeless man with a sandy tan complexion asked me for 10 grand, stressing about dry land. Deep water, powder blue skies that crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, my son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then closed my door. Tell me how much a dollar cost. It's more to feed your mind. What a sign of love, the way you love. All you need that it brings. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Obama 2008, Yes We Can. Et notre invité, c'est Jean-Luc Kess. Bonjour. Bonjour. Ancien président de cette maison, du groupe Radio France, et ancien correspondant de France Inter aux États-Unis. C'est pour ça que nous vous recevons essentiellement. Je m'en doute. Oui. Hein, parce que vous êtes un spécialiste des États-Unis. Vous venez d'écrire un livre sur Hillary Clinton et vous aviez écrit auparavant un livre sur Obama. Moi, j'aime beaucoup le titre. What else? Alors, je me disais que j'aurais peut-être un procès avec une célèbre maison de café qui ferait de la publicité au livre. Je ne crois pas que ça ait marché. Ça n'a pas marché. Ils ont renoncé, oui. Alors, l'élection de Barack Obama constitue, une surprise, hein, le récit le montre. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Hillary Clinton? Et je pose la question parce qu'il y a évidemment des résonances, peut-être. Hein. Aujourd'hui, elle a fauté par péché d'orgueil, trop sûre d'elle, trop sûre du système qu'elle représentait. Oui, ou peut-être une mauvaise compréhension du système à ce moment-là, parce que vous l'avez très bien décrit. D'ailleurs, Obama, il avait compris un truc. Il avait appelé ça « bottom-up », c'est-à-dire ça part du bas pour aller en haut. Et par exemple, pour des histoires financières, vous savez le nombre de millions de dollars qu'il faut pour se présenter. Lui, il n'avait pas trop de sous. Alors, il y avait l'appareil démocrate, mais l'appareil démocrate, il pariait sur Hillary. Donc, il s'était dit, ben voilà, je vais avoir des contributions toutes petites, c'est limité à 200 euros, mais ça vient du bas. Puis, on va écouter ce que dit le bas. Et donc, il avait à la fin un trésor de guerre, enfin, vraiment formidable. Donc, il avait tout pigé au truc, et il avait tellement bien compris la jeunesse qu'il avait un directeur de la stratégie de sa campagne, ça ne s'invente pas, il s'appelait David Plouf. Il avait 26 ans. Et il avait une grande qualité, connaissait l'Iowa comme sa poche. Et donc, il avait dit à Obama, mon cher Barack, déjà avec un nom pareil, un prénom pareil, ça va être dur de se faire élire, mais on peut pas, la campagne Clinton, c'est trop fort pour nous. Il n'y a qu'un truc où on peut gagner, c'est si on fait dérailler le train Clinton tout de suite. Et tout de suite, c'est dans l'Iowa. Et il dit, je connais très bien l'Iowa. Il connaissait très très bien l'Iowa. Donc, il a, ce que vous avez rappelé, il a fait un maillage extraordinaire de tout l'État. C'est un caucus. Donc, l'appareil du parti contrôle moins le choix des électeurs. Et puis, pendant des mois et des mois, il s'est occupé de l'Iowa. Et donc, il a fait dérailler la campagne. Parce que si on gagne, le premier truc important, c'est l'Iowa qui détermine un petit peu le climat de la campagne. Donc, il savait qu'ils avaient une chance. Donc, ça, c'est vraiment du génie. Puis il y a aussi ce qu'est franchement Obama, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez vu ce type gigoter sur une scène. En vrai, non. Sourire, se déplacer, faire un discours. Oui, bien sûr, on le voit, oui. Ouais, moi, je l'appelle Nureyev parce que je n'ai jamais vu ça. Enfin, c'est Nureyev plus Fred Astaire, plus le sourire, plus quelque chose qui échappe peut-être de temps en temps à nos chers concitoyens français, c'est que c'est un intellectuel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est remarquablement intelligent, sa femme aussi. Ce sont des gens très intelligents, qui sont très élaborés, très cultivés. Et les intellectuels à la Maison-Blanche, il n'y en a pas eu tant que ça, si on regarde bien. Il y a eu Roosevelt, il y a eu Kennedy. Les Kennedy, hein. Oui, oui, non, mais tout à fait Clinton, à sa façon, c'est vraiment un homme de concept. Et c'est un homme qui lit beaucoup, enfin, il lisait beaucoup, Bill. D'ailleurs, il ne dormait pas beaucoup la nuit, pas seulement pour faire des galipettes, mais parce qu'il lisait beaucoup, il était fatigué le matin. Mais en tout cas, on disait toujours que l'univers, c'était sa maison. Et il y a quelque chose comme ça chez Barack Obama, c'est-à-dire cette faculté d'appréhender le monde, d'appréhender la modernité. Il va vraiment nous manquer, moi, notre ami Obama. Et il va nous manquer dans le sens de l'image qu'il donnait aussi des États-Unis. Parce que c'est vrai que les États-Unis, représentés par l'image de George Bush, c'est pas forcément avenant. Non, mais pour comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était un gentleman, je veux dire. Non, mais Barack Obama, c'était important, ça, cette dimension de l'image qu'il a donnée des États-Unis. Ah oui, tout à fait. Enfin, il a des costumes Armani. Après tout, alors on avait tellement de défiance aux États-Unis sur ce que c'est qu'un noir de Chicago. Voilà un monsieur qui est élégant de sa personne, qui porte des costards à 2 000 $, parce qu'il les a gagnés. Hein. Il a écrit ses mémoires tout de suite, d'ailleurs il a tout de suite gagné beaucoup d'argent, avant même d'être président. Il écoute de la musique classique, mais il joue au basket aussi, il adore jouer au basket. Donc il a toujours un peu tripatouillé tout ça, toutes les images possibles. Et il a la classe. C'est-à-dire que vous le voyez, vous l'écoutez, on s'est jamais dit, mon Dieu, cet homme n'est pas au niveau de l'image, de sa fonction, il incarne vraiment la présidence des États-Unis. Et si on regarde bien, quand même, la plupart des présidents, dont on peut se souvenir, hein, si on a une bonne mémoire et qu'on a mon âge, ça a toujours été des gens qui ont eu une certaine décence, même si on n'est pas d'accord avec eux. Moi, j'ai couvert pendant 8 ans Ronald Reagan, cet homme mettait des costumes marrons. Il y a très peu de gens qui mettent des costumes marrons, ça va pas à grand monde. Mais lui, ça lui allait bien. Et même si j'aimais pas trop ses idées, parce que c'est là que toutes les embrouilles ont commencé finalement avec Ronald Reagan, cette espèce de vista d'extrême droite là qui a dégénéré, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et qui a tout gagné, disons. Oui. Soit dit au passage. Hein. Mais en tout cas, cet homme avait de la classe, avait une certaine décence. C'était pas un intello, c'est le moins qu'on puisse dire. De temps en temps, bon, on sentait bien que le cerveau marchait pas comme il aurait dû marcher, mais en tout cas, il incarnait sa fonction. Et Obama, il a vraiment fait ça. Il y a un rapprochement avec Kennedy qui paraît évident, d'abord par la jeunesse, la classe, le côté intellectuel, le physique avenant. Ce sont vraiment deux images qu'on peut rapprocher, Kennedy et... Oui, sauf qu'il y en a un, oui, qui appartenait à une minorité. Sauf à tomber dans le milieu commun. Non, mais il était catholique, bon, ça posait un petit problème, mais au fond, pas tellement. Mais Obama, il est noir. Je veux dire, c'est pas une petite particularité. Bien sûr. Il y a 13 ou 14% de population noire aux États-Unis. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de blancs ont voté pour Obama. Mmh. Et pour moi, c'est ça, ce qu'il faut porter à son crédit, c'est que cet homme a su rassembler son pays. Ça veut dire qu'il avait une vision et une idée de l'Amérique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est mieux ensemble que séparés les uns contre les autres. Et j'en reviens toujours pas. Moi, je me souviens, j'ai chialé quand il a été élu. Parce que ça m'a fait un tel effet. J'avais vécu 10 ans aux États-Unis. Je me disais, ça n'arrivera jamais. Je verrai jamais ça de mon vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que ça a basculé? Ben, parce que déjà, il a trouvé un pays qui était dans un état lamentable. Il y avait deux guerres. En Irak et en Afghanistan, il y avait une crise financière, mais on n'imagine même pas, on n'imagine plus, on a oublié. Mais enfin, c'est la faillite quand des banques comme Lehman Brothers tombent en ruine. Vous imaginez ce qui peut se passer dans un pays comme les États-Unis? On ferme les banques, mais en 8 jours, c'est une guerre civile aux États-Unis. Ici aussi, d'ailleurs, on a oublié ça aussi. Mais enfin, c'est comme ça. Et donc, cet homme, bah, il a donné une perspective. C'est-à-dire que, plutôt que de dire, comme ce pauvre McCain qui méritait mieux que ça, pour dire, non, ça roule, l'économie, non, c'est pas grave, ça va se tasser. Je veux dire, ça ne pouvait pas se tasser. Ah, il avait pris un petit coup de vieux, et puis il connaissait même pas le nombre de domiciles qu'il avait. Il avait épousé l'héritière des bières Budweiser, McCain. Donc, il était, mais vraiment, c'était même plus de l'argent. Il savait plus, il connaissait plus la vie normale. Obama, il connaît la vie normale, il vient de Chicago, donc il a rassuré les gens. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quel est ce charisme qui fait qu'un homme qui est noir, qui appartient à une minorité, qui est totalement atypique, y compris dans sa communauté, eh bien, il arrive à rassurer les gens, ses concitoyens, et leur dire, yes, we can, on va y arriver, faut pas de panique. Je suis là, mais pas seulement moi, nous sommes là, c'est nous tous. C'est ça qui est formidable, ça, on appelle ça une vision. Et oui, donc il y a effectivement toutes les raisons objectives, politiques qu'on peut analyser, puis cette part de mystère. Vous dites même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ben voilà, lui, il a réussi. Il a un charme fou. Ouais. J'y peux rien, sa femme aussi. On a vu sa femme, là, en ce moment-là, sur la campagne pour défoncer la tête de Donald Trump, et on espère qu'elle va continuer jusqu'au dernier jour. Je ne suis pas très objectif avec ça, parce que justement, je trouve que la décence, c'est du côté des gens comme Obama. Même Clinton, je parle pas d'Hillary, mais même Bill était un président décent, je parle pas de sa vie privée, mais en tout cas, ce sont des gens qui incarnent des vraies valeurs américaines. Mmh. Donc, mais quand on voit Michelle Obama faire campagne, c'est pas un couple ordinaire, ces gens. C'est quand même pas un couple ordinaire. On l'entend dire des choses sans, elle a pas de prompteur, prépare pas de discours, machin, elle dit, voilà, je suis écœuré par telle attitude. Elle a des belles dents, elle a une belle tête, c'est une grande femme qui a du courage, qui s'exprime, qui dit tout ce qu'elle pense, à jouer des tours d'ailleurs. Je me souviens, pendant la campagne d'Obama, on l'avait interrogée, puis Michelle Obama répond à toutes les questions. Elle avait dit, vous savez, c'est pas le type qu'on croit, hein. Il faut que vous le sachiez, il est pas parfait. Ces vieilles chaussettes sales qui balancent n'importe où, et de temps en temps, il sent un peu le putois quand il se réveille le matin, et les enfants détestent ça. Vous imaginez, justement, on parle de Carla Bruni, ou de Madame Juppé, en train de faire ce genre de commentaires. Non. Donc, ils ont du charme, ils ont charmé, dans le bon sens du terme, leurs concitoyens. Alors, la politique, c'est aussi et c'est surtout des idées, c'est un bilan, c'est une action. Le bilan de Barack Obama, alors l'histoire jurera, mais on peut déjà commencer à en parler, donc en deux parties. Le bilan dans la politique intérieure et le bilan sur la scène internationale. Commençons par la politique intérieure. Bien sûr, on pense à l'action sociale, aux droits sociaux. Est-ce que Barack Obama va marquer l'histoire des États-Unis par son bilan en politique intérieure? Alors là, c'est une question compliquée parce que la plupart des gens ne savent pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que le président des États-Unis, c'est un tout petit engrenage dans la vie politique américaine et que le corps qui décide, c'est le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, ça m'agace beaucoup quand on critique Obama. Pareil, je suis pas objectif, j'ai l'âge maintenant de dire ce que je pense des choses. Mais Barack Obama, il a eu à faire face à la haine du Parti républicain pendant 8 ans. La haine, vraiment, le mot est pas trop fort. Et c'est rare dans l'histoire des États-Unis qu'un parti décide de bloquer l'avenir de son pays juste pour nuire au monsieur ou à la dame future qui occupe le bureau ovale à la Maison Blanche. Mais c'est comme ça. Donc, un président des États-Unis, il faut bien comprendre que ça a un certain nombre de pouvoirs, mais qui sont très limités parce que c'est extraordinairement contrôlé par le Congrès, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est l'équilibre des pouvoirs. Un régime parlementaire, oui, sauf que de temps en temps, ça bloque complètement la machine. C'est rare parce qu'en général, l'intérêt général, le sens de l'intérêt général l'emporte. Mmh. Moi, je prends toujours l'exemple de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson savait c'était un réac démocrate du Sud, un peu raciste sur les bords. Il a dit, on va faire les droits civiques, il est temps, puis on doit ça à Kennedy, puis pour d'autres raisons opportunistes. Enfin, il était temps de le faire. Eh ben, il a tordu le bras du Congrès sans arrêt. C'était une maîtrise des choses, et c'était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui, parce que entre républicains, c'est un grand parti, le Parti républicain. Je veux dire, c'est le parti de Lincoln. Donc, c'est pas simplement une bande d'abrutis d'extrême droite, le Parti républicain. Il y a des millions d'Américains très décents et très humanistes, autant que vous et moi, et même peut-être plus, qui votent républicains. Quoi. On a le droit. C'est un débat d'idées. Vive le débat d'idées. L'Amérique, c'est ça. S'il n'y a plus de débat d'idées, c'est là que ça devient dur. Donc, juger le bilan d'Obama, c'est très difficile. Obamacare, c'était peut-être un peu mal foutu, pour dire la vérité, parce que ça coûte très cher, mais que tout le monde n'a pas joué le jeu. Et puis le Congrès a tellement traîné les pieds, et puis a mis tellement d'obstacles sur le chemin. C'était une bataille de tranchées, c'est clair. Donc, mais c'est quand même un peu bizarre, quoi, que le Congrès à majorité républicaine ne veuille pas le mieux-être des gens, des citoyens américains. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, mais enfin, c'est comme ça. La limitation des armes à feu, c'est quand même aussi assez extraordinaire. C'est rare que, après tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, le Congrès des États-Unis disent non, on change rien, on comprend le deuxième amendement à la Constitution. Même moi, en Virginie, j'avais une petite maison en Virginie, j'avais deux flingues à la maison comme tout le monde. Je veux dire, j'ai jamais tué personne, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est un droit constitutionnel et le remettre en question est assez aberrant vu l'impact que ça aurait pour de mauvaises raisons. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il avait faire quand même, c'est le minimum. Donc il y a eu beaucoup de volonté politique, oui. Mais avec les obstacles constitutionnels et institutionnels des États-Unis. Oui. Je vais vite malheureusement parce qu'il est à 56. Mais j'en reviendrai demain si vous voulez. Non, politique extérieure rapidement, c'est difficile, hein, mais c'est là que c'est intéressant Hillary Clinton parce que elle a été son secrétaire d'État très loyal et tout et très serviable et vraiment elle a bien fait le job. Sauf que de temps en temps, bon, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Elle est plus, elle, pour la diplomatie qui a du sens. Elle ne pense pas qu'on discute avec les Russes, Jean Bisounours. Si on donne quelque chose aux Russes, il faut recevoir beaucoup plus de leur part. En gros, c'est sa vision de la diplomatie. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec ça. Je veux dire, on ne discute qu'avec les gens qui sont vos adversaires. On ne discute pas avec ses copains pour dire que tout va bien. Il a été plus timide qu'elle le serait. Mais quand je regarde le résultat, je me dis, bon oui, c'est peut-être un moment de l'histoire des États-Unis où Obama aurait dû être un peu moins timide et puis aller plus avant dans un certain nombre de choses. Il a vraiment fallu le forcer de temps en temps. Je pense à la Syrie, à la Libye aussi, par exemple. Sans une action qui suivait, ça servait peut-être pas à grand-chose de se séparer de Kadhafi. Donc dans ce sens-là, Hillary Clinton, qui a une plus grande expérience des choses internationales, elle est connue du monde entier. Enfin, je veux dire, au moins, si elle est élue présidente, ce que je souhaite, je ressors mes pattes de lapin de mon veston. J'espère qu'elle sera présidente des États-Unis, mais au moins, c'est quelqu'un qui est respecté. C'est-à-dire, on sait que c'est pas une molasse, hein, Hillary. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et je pense que c'est très important. Enfin, j'en ai un peu assez d'entendre ce côté bien pensant de la politique étrangère. La politique étrangère, c'est pas fait pour les copains, c'est fait pour que les adversaires arrivent à trouver un dialogue ensemble. Et vive Hillary Clinton sur ce plan-là. Quand vous dites, je souhaite, il vous reste 30 secondes, que Hillary Clinton soit élue, vous souhaitez qu'elle soit élue, ou vous êtes comme beaucoup d'Américains, ou voire d'Européens, d'observateurs, vous souhaitez surtout pas que l'autre soit élue. Les deux, mon général. Mais j'ai découvert, enfin, je me suis pris d'une admiration assez forte pour cette femme-là. Justement, peut-être parce que elle a pas beaucoup de charisme et que les gens doutent beaucoup d'elle-même. Ça serait dommage que les États-Unis élisent cette femme en se disant, oui, mais c'est parce que Trump, ça serait pire. Ça serait vraiment dommage. Et d'ailleurs, vous venez d'écrire, je le rappelle, un livre sur Hillary Clinton, intitulé Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique aux éditions Baker Street. Merci Jean-Luc Hesse, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'élection de Barack Obama, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction avec une figure américaine pour terminer cette semaine spéciale États-Unis. Marilyn Monroe, et plus précisément quand Norma Jean Baker devint Marilyn. Maintenant, quand Vincent devint Joss. C'était un lundi, aurait dit Jacqueline Maillan. Oui. On ne parle pas de Jacqueline Maillan, on parle de Marguerite Duras, de son rapport à la musique, Fabrice. Bien, nous allons découvrir. Merci Vincent, à tout à l'heure.